un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. L'Éternel règne. L'Éternel règne.